22e soirée. J'ai vu pleurer une petite fille, disait la lune. Elle pleurait de la méchanceté du monde. On lui avait fait cadeau de la plus ravissante poupée. Ah, quelle poupée c'était, si belle et si délicate. Elle n'était pas faite pour les misères de cette vie. Mais les frères de la petite fille, en grands gamins méchants qu'ils étaient, avaient mis la poupée tout à fait en haut sur un grand arbre du jardin et s'étaient sauvés ensuite. La petite fille ne pouvait pas atteindre sa poupée. Elle ne pouvait pas l'aider à descendre. C'est pourquoi elle pleurait. Sans aucun doute, la poupée pleurait aussi. Elle tendait ses bras tout roidis entre les branches vertes de l'arbre et avait l'air bien malheureuse. Oui, ce sont là les peines de ce monde dont maman a si souvent parlé. Oh, la pauvre poupée, le jour commençait à baisser. Que serait-ce quand la nuit noire viendrait? Fallait-il que la poupée restât toute seule la nuit entière dans l'arbre et au jardin? Non, la petite fille ne pouvait pas s'y résoudre. « Je veux rester auprès de toi, » disait-elle, bien qu'elle ne se sentît pas rassurée du tout. Il lui semblait voir d'une manière très distincte les petits lutins, avec leurs bonnets longs et pointus, accroupis dans les buissons et dans l'allée sombre du fond, elle voyait de grands fantômes qui dansaient et s'approchaient de plus en plus. Ils tendaient leurs mains vers l'arbre sur lequel la poupée était perchée. Ils riaient avec malice et montraient la poupée du doigt. Oh, que la petite fille eut peur! Mais quand on n'a pas commis de péché, se disait-elle, le malin ne peut pas nous faire de mal. Aurais-je bien commis un péché? Elle se mit à réfléchir. Hélas, oui, se disait-elle, je me suis moquée du pauvre canard avec son chiffon rouge à la jambe. Il boitait si drôlement que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mais c'est un péché que de rire des animaux. Elle leva la tête pour regarder sa poupée. « Toi aussi as-tu ri des animaux ?» lui demanda-t-elle. Et il lui semblait voir que la poupée secouait la tête pour dire que non.